Déjà petit, je me disais, aujourd'hui croque la vie, laisse si quelques dents dedans. On se souviendra de toi dans longtemps, ne sois jamais un enfant sage, car on est tous de passage. Alors je saute dans les flaques, essuyons deux, trois paires de claques. Aujourd'hui rien n'a changé, toujours le même illuminé qui observe les gens défiler d'un petit regard amusé. Au coin de mon visage, un rictus bien ancré, un pied le nez au râleur invétéré. Je devais dresser la liste des choses qui n'ont pas de prix. Je mentionnerai sûrement les nombreux coups de vent qui bercent mon pays et ses rivages sans répit. Ses choux sur le bout de mon nez, quelle joie cet air salé. Et l'ambre a fait naufrage sur les courbes de mon visage. Se reflète la mer dans mes yeux toujours grands, ouverts même le dimanche, voilà les joies de l'océan. Toucher notre petite existence du bout de nos cinq sens. La la la la de nos cinq sens. La la la la. Mon entourage n'aime pas ces jours de mauvais temps, ce genre d'après-midi où valsent les parapluies or. Une pluie multicolore envahit alors mon décor. Abribus grimaçant me font sourire gentiment. Je saute à cloche-pied sur les feuilles mortes, devenant alors l'objet de toutes les attentions du qu'en dira-t-on. Pourtant je ne vois dans mes actions rien de bien inquiétant. Ce n'est pour moi qu'une simple façon de me sentir vivant. La la la la, de me sentir vivant.